Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, premier épisode de notre semaine consacrée à l'humour en France et à la question éternelle, éternelle question, peut-on rire de tout ? Aujourd'hui, nous explorerons les caves des cabarets parisiens des années 50 et 60. Demain, nous atteindrons l'apogée de l'humour français des années 70 et 80 avec Coluche et Thierry Leluron. Mercredi, nous reviendrons sur l'affaire des caricatures de Mahomet, puis nous irons rendre visite à Jamel Debbouze jeudi et à la génération de stand-upers des années 90. Enfin, vendredi, la fiction d'Affaires sensibles vous fera découvrir l'histoire de Pierre Desproges. Aujourd'hui, nous sommes donc en 1950 à Paris. Au sortir de la guerre, la France a besoin de rire. La société se réinvente, la reconstruction est en cours, le monde artistique n'est pas en reste. Musiciens, artistes, peintres, comédiens, tous cherchent leur voix dans cette liberté nouvelle. À Paris, c'est dans les cabarets de la rive gauche ou de Montmartre que se construit ce rire nouveau. Dans ces lieux protégés, espaces de liberté, une nouvelle génération d'artistes fait son apparition. Pierre Dac, Jean-Yann, Fernand Reynaud, Raymond Devos, autant d'auteurs, d'acteurs et de performeurs qui commencent leur carrière sur les scènes parisiennes. Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, promoteur du rire de résistance. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'histoire commence d'une façon banale, place de la Concorde, à 3h du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris. Un homme agrippé aux grilles du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé. Ça, c'est classique. Oui, mais cette nuit-là, l'affaire prit une tournure étrange. Plus d'obélisque. On l'a remplacé par une vulgaire copie en carton-pâte. La police met sur l'affaire, bien sûr, sous la houlette du commissaire Fouvreau. Puis, c'est au tour du Lion de Belfort, et c'est le début d'une longue liste. Au pied de chaque monument, une mention a été peinte, et cette mention, c'est... Signé Furax. Mais qui est donc ce Furax qui s'en prend au patrimoine français? Épaulé par les détectives privés Black et White, le commissaire Fouvreau mène l'enquête. Et là, il se retrouve rapidement confronté à l'ignoble Claquemuf et son homme de main, Ragnouf, tous deux membres de la secte des Babus. Le mystère reste entier. Tel est le scénario de Signé Furax, le boudin sacré, un feuilleton écrit par Pierre Dac et Francis Blanche et diffusé sur les ondes d'Europe 1 à partir de 1956. Mélange d'humour absurde et d'espièglerie sur fond d'enquête policière, la série connaît un succès immédiat. Plus de 3000 épisodes seront écrits, petit bijou radiophonique loufoque. Même le président de la République, René Coty, est fan. D'ailleurs, un jour, la même année, il interrompt une conférence de presse de cette façon. Ah, maintenant, excusez-moi, je dois vous laisser. C'est l'heure de signer Furax. C'est que la France des années 50 a besoin de rire, de légèreté. Après le traumatisme des années d'occupation, des journées grises et des nuits noires, la France retrouve toute son énergie, mais doit encore panser ses plaies. Les chemises brunes rôdent encore, le poujadisme connaît ses premières heures. Mais c'est aussi le début du féminisme et de la sécurité sociale. À la radio, feuilletons et émissions de variété se multiplient. Les ondes, qui servaient à porter les mauvaises nouvelles ou les messages de résistance, soufflent un nouvel air frais. Dans leur salon, les Français découvrent les nouveaux noms de l'humour qui marqueront l'époque. Fernand Reynaud, Jean-Yann et Frère Jacques et Jacqueline Maillan. Ils sont des dizaines à produire des textes, à jouer sur scène, à créer des fictions qui dérident avec joie une France en convalescence. Avec Signé Furax, Pierre Dac et Francis Blanche n'en sont pas à leur coup d'essai. Les deux lurons ont commencé à faire rire avant la guerre, en particulier dans L'Os à Moelle, journal satirique et loufoque dirigé par Pierre Dac, le roi des chroniques absurdes. C'est aussi un habitué de la radio. Pendant la guerre, les Français parlaient aux Français sur les ondes de la BBC par la voix de Pierre Dac en personne. Tout comme Francis Blanche, il est un artiste engagé. La politique est au cœur de leur art, comme dans ce sketch de 1950, interprété à l'ABC, un célèbre musical parisien du 2e arrondissement, où ils présentent leur parti politique, le Parti d'en rire. Généraux d'un grand parti en gestation, que nous sommes venus dans cette enceinte pour accoucher d'un vaste programme. Le Parti d'en rire, dont nous avons la fierté et l'honneur d'être les porte-parole. Et les porte-cochères. Vous l'avez déjà dit. Merci. Il n'y a pas de quoi. Va par le truchement de notre intermédiaire vous faire connaître ses principes. Pour leur donner plus de chaleur et d'harmonie, nous allons vous les présenter sur les motifs du célèbre Brasero de Ravel. Le Brasero, sourire si doux. Dont nous nous sommes assurés l'exclusivité. Parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. De prendre la tête d'un parti, oui, c'est un peu comme un nombril. Un parti placé au-dessus des partis, c'est le parti. En vrai, un parti, oui. La critique de la politique du duo Dac Blanche est toujours teintée de loufoquerie, d'impertinence. Ensemble, ils écument les scènes parisiennes avec leurs sketchs et leurs pièces de théâtre. C'est à La Rose Rouge, un cabaret de la rive gauche, que leur style va vraiment s'imposer. L'établissement ouvre ses portes en 1948 dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, rue de la Harpe. Au sous-sol, la petite salle comprend une scène minuscule, des tables rondes, des chaises, des tabourets et un piano droit. L'ensemble est minuscule, intime. Les artistes sont à portée de main du public. Cette ambiance, chaleureuse et sympathique, devient rapidement la marque d'un mouvement qui s'étend, le spectacle de cabaret. En quelques années, ce sont près de 200 salles qui ouvrent dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés et de Montmartre. La nuit, les rues des 5e et 6e arrondissements regorgent d'amateurs, d'humoristes, de chansonniers, de jazz et de littérature. On y croise la fine fleur des intellectuels de l'époque, des jeunes gens élégants, comme le racontent avec une certaine ironie les actualités françaises en cette année 50. Oh, vous savez, Saint-Germain a beaucoup changé entre-temps. Le Flore, par exemple, un café. Non, un temple, avec ses servantes et ses pontifes. Leur apostolat implique le renoncement à toute pompe vestimentaire et l'humilité la plus totale dans le choix des véhicules. Mais n'est-ce pas là une forme moderne de la mortification, peut-être? D'ailleurs, l'exemple vient de haut. De Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence. Ah oui, l'existentialisme. L'existentialisme, c'est le mot à la mode à Saint-Germain-des-Prés. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir en sont les célébrités, les ambassadeurs mi-mondains. Mais si le courant a des adeptes sérieux, la philosophie sartrienne prête aussi à rire. Tout devient existentialisme. Les chemises à carreaux, les chaussettes rayées, le café crème. C'est dans cette ambiance que naît une nouvelle école du rire et de la chanson. Le programme est dense, les artistes nombreux, le public au rendez-vous. Les chanteurs, c'est l'homme Juliette Gréco, Serge Gainsbourg, Georges Brassens. Les humoristes, Fernand Reynaud, Raymond Devos ou Jacqueline Maillan. Au tabou, Boris Vian joue de la trompette. À l'écluse, Barbara fait ses gammes. Aussi bien dans la chanson que dans le rire, tout est à réinventer. Les ficelles usées par leurs aînés ne fonctionnent plus. Plus question de jouer sur le graveleux, le public veut de la finesse, de l'intelligence, de la surprise. Parmi les premiers artistes à rameuter les foules dans le quartier latin, un quatuor de chansonniers se fait remarquer, les frères Jacques. Leur style repose sur une mise en scène soignée, des gags avant tout visuels. On les reconnaît vite alors juste au corps coloré et à leurs moustaches proéminentes. Ils rient de situations de la vie quotidienne dans des sketchs musicaux à thème. Et avec leurs collants, ils sont sacrément transgressifs, ces frères Jacques. Novateurs, en tout cas. Voici par exemple leur interprétation du métier de footballeur. Et en plus, ils chantent bien. Contre un cachet modique, 12 francs à l'écluse, les artistes peuvent tester leur numéro. En groupe, en duo, en solo, tout est possible, tout est à inventer. Dans la catégorie duo comique, on trouve Teddy Vrignot et André Gaillard, alias les frères ennemis. Ils se font vite remarquer par leur sens de la précision. Les frères ennemis jouent sur le terrain de l'absurde, du jeu de mots, du quiproquo qui évolue sur un fil. Le tout constitue d'échanges rapides, millimétrés. Entre des chansons empruntées au répertoire français, ils distillent leurs bons mots au cours d'un intermède pétillant. Voici par exemple leur interprétation de Johnny Palmer. Qui triche au jeu sitôt qu'il perd, qui est brutal, jaloux, amer, c'est Johnny Palmer. Qui parle à tort et à travers, plus malfaisant que vain comme air, c'est Johnny Palmer. Ne cherchez pas qui a crevé la toile du hamac, ni le cochon qui a craché partout sur le tillac. Sur le tillac, c'est écrit tonnerre de Brest. Mille sabords. Tonnerre de mille sabords. Mille sabords de tonnerre de Brest. Oh, oh, le fond de l'air est frais, capitaine. Va 20 milieux sous les mers. Ah, oh, Thérèse Requin. Sauf qui peut. Un homme à la mer. J'ai Henri Boué. Autre duo de marque, Poiret et Serrault, qui parodie les interviews de Radio Paris. Là, les rôles sont fixes. Poiret campe avec brio l'intervieweur complaisant mais caustique. Serrault, celui de la vedette ahurie. Leurs personnages sont des vedettes du cinéma, des artistes excentriques, des boxeurs hagards. Avec tendresse et poésie, ils moquent le monde du show business, les paillettes, le music hall. Et dans l'extrait que vous allez entendre, le chef d'orchestre, Albert Petit-Lagrelèche, détaille les difficultés de conduire un orchestre, justement. Je vais vous dire, mon cher ami, on est toujours un peu ému. Toujours un peu ému, et surtout quand on conduit pour la première fois, c'est certain. Mais c'est pas la première fois que vous conduisez. Si, c'est la première fois que je conduis, oui. Comment ça? J'ai eu mon permis avant-hier, alors vous voyez, c'est tout récent. Votre permis? Mon permis de conduire. De conduire? De conduire les orchestres. Parce qu'il faut un permis de conduire pour les orchestres. Ah, bah oui, depuis 6 mois, on exige le permis. Oui. Ah, je savais pas du tout. Ah, si, il y a eu trop d'accidents, trop de couacs, trop de notes écrasées, et maintenant on exige le permis. Il est certain que les gens dépassent la mesure bien souvent. Oui. Et ils la dépassent sans prévenir, généralement. Non. Il faut un permis. Et vous avez le vôtre depuis avant-hier. C'est ça, exact. Enfin, l'avez eu in extremis, vraiment. Oui, je précise, quand je parle de mon permis de conduire, les gros orchestres, n'est-ce pas? Oui. Les orchestres symphoniques, oui. Les orchestres symphoniques. Permis poids lourd, en quelque sorte. C'est ça. Dans les caves des cabarets parisiens, chacun cherche à créer son propre style. Au fil du temps, les chansonniers, si populaires avant la guerre, perdent des adeptes. L'humour ne se chante plus, il se dit, il se joue. On explore le théâtre, la mise en scène, le texte. Chaque artiste emporte avec lui un nouveau courant. Et c'est dans le seul en scène que naîtra cette nouvelle école. L'un de ses nouveaux talents nous vient de Clermont-Ferrand. Fils d'ouvrier chez Michelin, passionné théâtre, il est venu tenter sa chance, comme beaucoup d'aspirants artistes, sur les scènes germano-pratines. Son prénom, Fernand, son nom, Renaud. Après des débuts ratés dans le théâtre Michelin à Clermont-Ferrand, il s'installe dans le quartier de Belleville, dans un appartement qui appartenait à sa grand-mère. Fernand Renaud vit de petits boulots et écume les auditions. Tantôt vendeur de rustines, de boîtes à outils ou de panneaux publicitaires, tantôt employé aux statistiques, il continue à peaufiner ses sketchs. Les personnes de son petit monde sont issues de son enfance, de la vie. Ils sont sa sœur malchanceuse, un douanier raciste, un client d'hôtel ou des PTT. Toujours un peu naïf, parfois un peu simplet, mais sans cesse brossé avec tendresse. Mais Fernand Reynaud peine à écrire. Il se lance alors dans le mime. Il rencontre un petit succès grâce à son visage aux mille expressions. Mais le mime ne l'épanouit pas. Non, il veut raconter l'histoire des vrais gens, lui qui les connaît si bien. C'est donc le portrait d'une France un peu dépassée, mais pas oubliée, qu'il dessine. Une France qui a aussi ses tares, ses petits chefs, ses violences que Fernand Reynaud n'hésite pas à critiquer. On le voit ici dans ce fameux sketch bourreau d'enfants, où il pointe à la fois la précarité des classes populaires et la violence contre les enfants. Otto, mange ta soupe. Non, ça, je veux pas manger ma soupe. C'est curieux, ça, j'ai pas envie de manger ma soupe. Je te demande pas de discuter, mon fils. Moi, ton père, je te dis de bouffer ta soupe tout de suite, parce que tout à l'heure, je vais m'énerver. Je prends la soupière, je la fous sur la tranche, ça va être vite. Hein. Bien, mon papa, il veut m'ébouillanter. Les voisins. Tu vas pas ameuter tout Marseille. Parce que tu veux pas manger ta soupe, mange-la tout de suite. Je la mangerai, papy, je la mangerai. Déjà dans ce sketch, l'un de ses premiers, on retrouve un schéma qui fera sa marque de fabrique à coups de gimmicks, petites phrases assénées à un public qui se plaît à les répéter en chœur, genre « Tonton, pourquoi tu tousses ? Je voudrais le 22 annière. » Vous allez voir comme les gens sont méchants. C'est le plombier. Autant de refrains qui sont devenus des tubes. Fernand écume les cabarets parisiens et affûte ses textes, son rythme, ses chansons, accompagnées de son fidèle pianiste Jean Joubert. Ce format de spectacle entre la chanson et le théâtre lui fait rencontrer le succès. Une réussite qui lui permettra de creuser un autre de ses thèmes de prédilection, la critique de l'autorité. Et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'il égratigne tous ces petits chefs qui jouissent mesquinement de leur petit pouvoir et qui nous pourrissent la vie, on en connaît tous. Reynaud leur met une bonne claque par la métaphore. Ce qui nous ravit, l'humour se fait alors catharsis. Comme ici, dans le sketch intitulé « L'inspecteur des platanes ». Mon beau-frère, il est inspecteur des platanes à la mairie. Il n'y a pas de quoi se marrer. Dans toutes les mairies de France, il y a des inspecteurs des platanes. C'est écrit sur leur carte d'identité. Profession, inspecteur des platanes. Alors toute la journée, ils se promènent dans les rues, puis ils inspectent. Quoi, les platanes? Alors, sitôt qu'il y a un platane qui penche un peu, ils écrivent « Un platane penche ». Faut le faire! Ce thème de l'autorité ridicule de l'administration kafkaïenne est un motif récurrent chez les humoristes de la France des années 50. On le retrouve aussi, mais dans un style très différent, très cérébral, très fin, chez Raymond Devos, autre figure montante de la scène rive gauche parisienne. Dans son sketch « Plaisir d'essence », Devos décrit un monde concentrationnaire qui repose sur la seule obéissance des personnes qui y sont enfermées. Tout commence avec une erreur, l'administration a fait placer des sens interdits à toutes les sorties d'un rond-point. Et c'est Devos en personne qui nous raconte la suite. Monsieur l'agent, je m'excuse, il y a quatre rues, elles sont toutes les quatre en sens interdit. Il dit, je sais, c'est une erreur. Il dit, alors, pour sortir? Ben, il dit, vous pouvez pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il me dit, tournez avec les autres. Mais j'y tourne depuis combien de temps? Mais il me dit, il y en a, ça fait plus d'un mois. Puis j'y dis rien. Mais dis, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils ont des sens, ils sont nourris, ils sont contents. Tout en douceur, en poésie, en talent, se dessine alors une critique de l'administration incapable, elle, d'autocritique. De Vos également a commencé sa carrière de showman dans les cabarets de Saint-Germain-des-Prés au milieu des années 50. Mais sa vocation de comédien lui vient de l'adolescence. À 13 ans, il est contraint de quitter l'école pour travailler dans une crèmerie. Affublé d'un tablier, il coupe le fromage, le beurre, mais même s'il fait son travail aussi bien que ses jeunes collègues, il sent que quelque chose cloche. Oui, là où les autres triment pour de vrai, lui, il joue à couper le fromage, il joue au crémier, il s'observe en train de travailler. Il en prend alors conscience, dans sa vie, il ne pourra que jouer, faire semblant, être un autre, et il y a un métier pour ça, comédien. Après la guerre, Raymond Devos intègre des compagnies de théâtre et écume les routes de France en tant qu'acteur. C'est finalement Pierre Dac, l'ange gardien des cabarets, qui le prendra sous son aile. Il le mène jusqu'aux caves parisiennes où il trouve enfin sa voix. Raymond Devos se plaît à montrer les absurdités, à les créer même. Son style, il le trouve dans le maniement des mots, comme il jonglait avec des balles pendant ses débuts circassiens. L'homme sait tout faire, marcher sur les mains ou sur un fil, chanter, jouer de la clarinette ou de l'accordéon. Et dans ses spectacles, il puise avec maestria dans cette palette de talents. Pendant ses tournées, Devos peaufine ses sketchs. Son humour est cérébral et son imagination est comme un puits sans fond. La mer démontée, par exemple, l'un de ses premiers sketchs en est une illustration. D'une situation incongrue, d'un petit quiproquo, il tire le fil jusqu'à créer une scène. Comme il l'explique au micro de France Inter en 1964. Raymond Devos, un de vos ressorts comiques est basé sur le malentendu. Je pense bien sûr à l'un de vos premiers sketchs, ce sketch sur Caen, la mer démontée. Mais le malentendu, bien vite, se creuse davantage. Oui, vous savez, le malentendu profond, c'est peut-être moi qui l'ai, je ne dis pas créé, mais... Enfin, qu'il ait voulu. Parce que, bon, je pars par exemple d'une situation entre deux personnages qui essaient de se comprendre sur une certaine chose, enfin, qui parlent d'un problème. Bon, tout d'un coup, il y a un mot qui sort, qui est à double sens. Alors, évidemment, dans la mesure où chaque personnage continue dans son sens, alors chacun poursuit le sien. Donc, il y a, au bout d'un certain moment, sauf éclaircissement de la part des deux interlocuteurs, il y a un écartement qui se fait. Un écartèlement, même. Et le dialogue va en s'écartant comme ça. Et pourtant, il continue. Et alors, le choc comique, il intervient à quel moment dans cette poursuite de la vie ? Normalement, il doit intervenir à chaque seconde. Et c'est avec La mer démontée, effectivement, puis avec Caen, sketch qui repose sur l'homonymie entre le nom de la ville et la préposition, que son succès éclatera. Après Pierre Dac, c'est un autre ange gardien de la profession, Jacques Canetti, programmateur de la salle parisienne des Trois Baudets, qui le prendra sous son aile. Comme bien d'autres avec lui, Raymond Devos connaîtra alors, en 1956, le tremplin qui le fera passer du cabaret au music hall. Monsieur l'agent, est-ce que je vais bientôt sortir de ce cabaret ? Il y a longtemps, longtemps, longtemps, monsieur l'agent, que je suis là avec ma tire. À Scarf, chez nous, ma femme qui m'attend, avec sa mère, m'a recommandé d'être là à l'air. Puisqu'il y a sa mère et moi qui rapporte le beurre pour mettre dans les épinards, elles vont me reprocher mon retard. Ah, mère, pourquoi quand le feu est vert? C'est comme quand il est rouge, personne ne bouge, je trouve ça louche. Oh là là, quel temps on perd. Je m'énerve. Mais qu'est-ce donc que cet agent? L'agent qui est planté devant mon véhicule, l'agent bon l'air, allons y. Monsieur l'agent, la gentillesse de garer votre matricule. L'agent trompe, mais la police est sur les dents. Et l'agent siffle, n'est pas content que je le bouscule. L'agent gémit, j'ai beau lui dire, ma femme cardiaque est au lit avec une attaque. Ça lui fait une belle jambe au lit. Il sort son petit carnet pour me ficher une contredanse. Et je suis en transe, mon beurre sera rance quand il aura terminé. Entre 1955 et 1968, le rêve de tout artiste de cabaret est de quitter les caves pour les feux de la rampe. À Paris, la carrière d'un artiste se fait par étapes. On commence en début de soirée à Saint-Germain-des-Prés, puis on monte les échelons jusqu'à tenir la fin de soirée là où le public est le plus nombreux et surtout le plus chaud. Puis on passe rive droite dans les plus grandes salles et là, c'est le music hall. Dans ce plan de carrière, les trois Baudets constituent une étape majeure. Tenue par Jacques Canetti, la salle est au cabaret, ce que le collège est à l'école primaire, n'y passe que des artistes qui ont déjà fait leur preuve rive gauche et que Canetti a soigneusement repéré dans ses excursions nocturnes, comme il l'explique au micro d'Elisabeth Dessin pour le RTF. Les trois Baudets sont une maison dans laquelle nous présentons des gens peu connus. Parce que les gens connus, on les trouve partout. Alors ce spectacle-ci, comme vedette connue, c'est-à-dire comme locomotive, il y a Jean Rigaud. Et puis, en première partie, il y a ce que j'appelle les chansons interdites qui n'ont rien d'interdit, qui ne sont pas du tout grivoises ni douteuses, mais ce sont des chansons interdites au public parce que chantées par des gens que l'on n'engage pas. J'ai pris 5 nouvelles têtes, parmi lesquelles 2 restent 3 mois. Mais Jacques Canetti n'est pas seulement le découvreur de talents des trois Baudets, il est aussi directeur artistique chez Philips. Un poste qui lui permet de choisir les artistes qui auront droit à leur propre disque. Dans les années 50, en France, un nouveau support connaît son âge d'or, le disque vinyle. Puis c'est l'apparition de platines portatives qui permettent aux jeunes de pouvoir écouter leurs disques préférés dans leur chambre et qui finiront d'asseoir la popularité du vinyle. Grâce à lui, les chanteurs deviennent des vedettes, les humoristes aussi. À présent, les amateurs d'humour n'ont plus à se déplacer dans les cabarets parisiens. Ils peuvent simplement déposer délicatement le diamant de leur platine sur leur disque et rire chez eux bien au chaud. Les artistes de cabaret connaissent aussi, à la fin des années 50, un autre tremplin, encore plus grand celui-là et plus efficace, la télévision. En 1954, il y avait à peine 125 000 postes dans toute la France. En 1958, ils sont déjà plus d'un million. Et voilà maintenant l'image qui fait son apparition dans les salons des Français, offrant une nouvelle scène aux humoristes. Bonsoir Dominique, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs, bien content de vous voir. Écoutez, depuis notre dernière réunion, il nous est arrivé un cadeau extraordinaire du ciel. Oui, où que nous habitions en France, nous avons eu vraiment un présent du bon Dieu. Le printemps. Le printemps. Alors, voyez-vous, c'est ce beau temps qui, Dieu merci, rend les choses moins importantes. J'espère qu'ensemble, sous le signe de ce beau temps, de ce printemps qui a commencé, on va passer, vous comme nous, une bonne soirée heureuse. Alors, je vous demande, en commençant, d'applaudir nos voyageurs, qui sont ce soir vos candidats, qui vont briguer vos suffrages. Messieurs, soyez les bienvenus. Les émissions de variété se multiplient à la télé. Elles se nomment 36 chandelles, music hall, parade, cabaret d'un soir. On y retrouve la même logique qu'au cabaret, une succession de chansons et de sketchs à un rythme effréné. Les émissions sont diffusées en direct à une époque où le playback et les effets spéciaux n'ont pas encore fait leur apparition. Les caméras, oh, elles sont énormes, peu maniables, alors les ratés sont possibles, et les artistes sont sans filet. Si un couac se produit, c'est la France entière qui en est témoin. Parmi ces shows de variété, l'une des émissions qui marquera le plus son époque est 36 chandelles, présentée par Jean Noin. L'émission est enregistrée à la Gaîté Lyrique. Dans les coulisses, règne une agitation joyeuse. Les artistes attendent en costume et il n'est pas rare de croiser un légionnaire romain qui papote avec un policier en uniforme. Tous les grands noms de la scène parisienne sont là. Fernand Reynaud, bien sûr, Raymond Devos, évidemment, Guy Bedos, les frères Jacques, des vedettes à Paris, des anonymes pour le grand public. Autre nouveauté de l'émission, le public peut voter à l'applaudimètre pour l'un des chanteurs débutants qui viendra tenter sa chance. C'est l'un des premiers télécrochets de l'histoire de la télévision française. La télé apporte de nouvelles libertés, les sketchs sont progressivement mis en scène, on les tourne en costume, dans des décors léchés. Le temps des cabarets commence à toucher à sa fin, même si les artistes y restent attachés à l'image de Raymond Devos. Au cabaret, en plus, c'est l'entière liberté. On peut tout faire, du meilleur comme du pire. Et je me suis présenté avec mes textes, parce que justement, le cabaret, c'était un test pour moi. S'ils étaient bons, le public apprécierait immédiatement. Absolument. Et si je passais au cabaret, je pensais pouvoir passer au music hall. Ce qui est effectivement... C'est produit. Dieu merci pour moi. Mais c'est pour ça que j'ai choisi le cabaret. Et c'est pour ça aussi que j'y reviens régulièrement. Quelquefois, on me dit, mais comment l'audience que vous avez maintenant, vous faites du music hall, vous passez en vedette dans les grands music halls, pourquoi vous amusez-vous? Eh bien, j'y reviens régulièrement parce que je retrouve les conditions difficiles. Donc là, je ne me fais pas d'illusions. Et parmi eux, il y a elle, Jacqueline Maillan, une femme. C'est assez rare pour être notée. Elle connaît le succès, multiplie les rôles au cinéma. Elle aussi a débuté dans les cabarets de la Rive-Gauche, mais elle s'est rapidement tournée vers le théâtre du boulevard, où son pouvoir comique fait mouche. En parallèle des planches, elle tourne avec les grands noms de l'humour au cinéma, tel Louis de Funès, et assure régulièrement une chronique sur Radio Paris. Mais comme beaucoup d'artistes de l'époque, elle se prend à rêver à d'autres rôles. Elle ne veut pas s'enfermer dans le comique, comme elle explique au micro de Jeanne Moreau dans Soyez les bienvenus sur Radio Paris. Secrètement, je le dis, là, c'est encore une chose banale, parce que tout le monde l'a dit, j'aimerais évidemment jouer à contre-emploi, ça c'est tellement évident, je voudrais faire... C'est ça que je voudrais savoir. Un rôle dramatique, mais je vous le dis entre nous, quoi, ah oui. Parce que je pourrais le dire à tout le monde. Ben non. Il dirait, oh déjà, voilà, c'est à faire dans le comique. Bon, oui, ouais. Bien sûr, ben, je vais continuer le comique, bien sûr. Ouais. Mais si l'occasion se présente, ça j'aimerais assez. Hein? Mais un tout petit rôle pour pas... Vous comprenez? Parce que ouais. Là, je risquerais gros. Mais moi, j'aimerais bien vous y voir. Et c'est pourquoi je vous pose cette question qui vous paraît indiscrète et dans le fond à laquelle vous ne vouliez pas répondre. J'ai jamais osé le dire, vous m'avez mis en confiance, c'est pour ça. C'est bien fait, votre petit... Oui, c'est très bien mon petit numéro. Jacqueline Maillan n'est pas la seule à se rêver un avenir loin du seul en scène. Raymond Devos, lui aussi, s'essaiera au cinéma, mais sans grand succès. Il joue dans 4 longs métrages entre 1956 et 1958 qui ne restent pas longtemps en salle. Jean-Luc Godard lui confie également un petit rôle en 1965 dans Pierrot le Fou. Mais le public n'est toujours pas convaincu. La caméra ne rend pas hommage à sa présence scénique et, bien rapidement, le funambule des mots retrouve les planches où il finira sa carrière. Fernand Reynaud, lui aussi, passera par la case cinéma, ou plutôt par la case navet. Les films qu'il tourne, ou ceux dans lesquels il joue, sont tous passés aux oubliettes. Comme pour beaucoup d'humoristes, le cinéma est alors un passage obligé, mais qui peut coûter cher. À la fin des années 60, les artistes de Saint-Germain ont fait bien du chemin. Certains d'entre eux, que nous n'avons pas forcément cités ici, ont marqué durablement le paysage humoristique français. Guy Bedos, Pierre Richard, Jean-Yann, autant d'aspirants vedettes à qui le succès a souri. En prenant la route du vedettariat, ces artistes ont quitté les rues de Paris, déserté les caves. Et progressivement, le public les a suivis. Les événements qui secouent le quartier latin en mai 68 auront raison des derniers cabarets. Contraints de fermer pendant les manifestations, peu rouvriront leurs portes. Voilà, l'esprit germano-pratin n'est plus. Les cabarets ont été remplacés par les cafés-théâtres, moins snob, moins chers et plus conviviaux. On s'est lassé des philosophes de l'intellectualisme. Les cafés-théâtres font la part belle aux pièces comiques et provocatrices. On y parle des sujets qui préoccupent la jeunesse française, on traite de libération sexuelle, d'érotisme. Ici, le langage est moins joli, certes moins léché, mais il est efficace. La société a changé, l'humour aussi. Ah, France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'humour dans les années 50 et 60. Notre invité Jean-Michel Ribes, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre du Rond-Point. Vous êtes le créateur, par ailleurs, de séries comiques comme Brève de comptoir et Palace qui ont marqué leur temps. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le Rire de Résistance, paru en 2 tomes aux éditions Beaux-Arts. Il y a un tome rouge et un tome jaune, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Bien, alors, je vous posais la question générique, quand on parle de l'humour aujourd'hui. Peut-on rire de tout? Alors, c'est des proches qui disaient on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, hein, je crois. Oui, mais moi, je suis pas d'accord. Alors, bah, dites-moi pourquoi, alors. Moi, je pense que c'est pas on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut faire rire de tout. Oui. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut recevoir tous les humours à partir du moment où celui qu'il profère est capable de le faire passer. Donc c'est d'abord une histoire de talent pour vous, la légitimité ou une légitimité, c'est quelque chose qui fait que on peut parler de tous les sujets les plus scabreux, les sujets les plus difficiles, les sujets les plus scandaleux à partir du moment où je dirais on enlève toute vulgarité. Voilà, c'est ça. Le philosophe André Comte-Sponville dit l'humour est important parce qu'il met le drame à distance. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense qu'il n'est pas besoin d'être philosophe pour dire ça. Mais non, enfin, mais enfin bon. Il se trouve que c'est lui. Mais je trouve bien les philosophes parce qu'il y a un côté chez les philosophes de comme ça de cliché, de triosa. Oui. Non, attendez, Jean-Michel Drib, juste pour vous dire. Donc on l'a reçu vendredi. Ouais. De la semaine dernière, et on parlait de l'humour, il disait ça, c'est pour ça que je le cite. Non, mais je vous ai raison de le citer, et puis moi j'ai raison de dire que je trouve ça d'une banalité affligeante. Parce que mettre l'humour, évidemment, moi je dirais que l'humour, sans être philosophe, c'est quand même une tentative désespérée, plutôt, de transformer la tragédie en bonheur. C'est-à-dire que les vrais humoristes sont tragiques, les vrais humoristes sont des gens qui ont quelque chose, qui ont souffert. D'ailleurs, je pense que l'humour qui n'a pas un fond de tragique, un fond de malheur n'est pas de l'humour. Si quelqu'un se casse la figure sur une peau de banane et que ça fait pas mal, c'est pas très drôle. Donc je trouve que il y a quelque chose qui les grands humoristes, c'est quand même une puissance incroyable pour transformer leur tragédie en bonheur. Et regardez, de Rabelais à Alphonse Allais, en passant par Queneau, c'est quand même tous des, c'est-à-dire c'est des poètes. Et je crois que la grande différence, c'est que dans l'humour, on mélange les poètes et les ricaneurs, et les ricaneurs ne sont pas des gens d'humour. C'est qui les ricaneurs et les poètes? Alors, on peut pas donner des noms, mais à quoi ressemblent les uns et les autres pour vous? Bah, je veux dire qu'on voit bien les grands poètes de l'humour. Je veux dire que Dubillard, je veux dire que Ionesco, je veux dire que des gens, quand même qui ont dit des choses très drôles, ou Roland Topor en particulier, mais tout d'un coup, quand on est affligé par tous les jours à la radio et ailleurs des gens qui font gouvernement, emmerdement, c'est vrai, au bout d'un moment, ça se retourne contre eux. Et il y a, dans ces gens, des gens tout à fait admirables, qui ont percé, comme je ne sais pas qui, Gaspard Proust ou François Rollin, ou des gens comme ça, mais il y a quand même un nombre de fast-food de l'humour extraordinairement épuisant. Du billard, vous avez programmé du billard au Rond-Point. Je me souviens d'une pièce avec Jacques Gamblin, François Morel. Oui, qui s'appelait Les Diablogues. Oui. Les Diablogues, oui. Absolument mise en scène par Anne Bourgeois. Alors, vous parlez notamment de rire de résistance. Alors ça, c'est votre... Je vais pas dire que c'est votre grand truc, parce que ça ferait hocher, c'est pas ça. Mais c'est quand même votre grande idée. Donc ça, vous en avez fait 2 livres, 2 tomes. C'est quoi, le rire de résistance? Bah, c'est simplement, on salue avec... honneur et justice tous les soldats qui nous ont débarrassés des dictatures, des envahisseurs, etc. Mais on ne salue pas tous les gens qui nous ont permis de respirer en luttant avec justement l'humour, avec un courage incroyable pour se moquer des gens qui sont paramétrés, qui nous mettent dans des circuits de pensée de sérieux dont on n'a pas le droit de se sortir, de cette prison du sens, etc. Alors il y en a énormément. Voltaire se moquant des juges à l'affaire Calas, c'est extraordinairement courageux. Le chevalier de la Barre qui refuse, après s'être moqué d'une procession de prêtres emplumés qui portaient le Saint-Sacrement, on lui dit arrêtez de dire ça, faites un déni, si vous avez dit, on lui dit non, il est écartelé par des chevaux. Mmh. Alors, il y a ça et ça, il y a le type qui sourit devant les gens confusés, et puis il y a tous ces gens, vous savez, Staline disait, un pays vraiment heureux n'a pas besoin d'humour, ce qui montre bien la terreur qu'il en avait, et je crois que ce qui est vraiment intéressant à ce moment-là, c'est qu'on voit combien, comme des petits vers de terre qui ont mis de l'oxygène dans la terre, combien l'humour dans les théâtres, pardon, les théâtres, c'est pas les théâtres, mais dans... Ah, vous êtes directeur de théâtre, vous avez le droit. Oui, merci. Mais dans les pays complètement pris par des dictateurs, a permis aux gens de respirer sous Staline, sous tous ces gens-là. Ouais, c'est indispensable. Et c'est ça la résistance. C'est la résistance au formatage, la résistance aux dictatures de la pensée. Vous savez, la résistance à cet esprit de sérieux qui est quand même une espèce de cholestérol de l'imaginaire qui nous bouche la pensée. Voilà. C'est comme disait Aragon, c'est on creuse des galeries vers le ciel et on respire. C'est ça l'humour, c'est un acte libertaire. Vous savez, en vous écoutant, ça me fait penser à une image, celle du film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, qui me semble être vraiment, alors pour le coup, vraiment l'exemple, un exemple emblématique de ce que peut être le rire de résistance. Absolument. Alors, le rond-point est aujourd'hui un espace, le théâtre du rond-point est aujourd'hui un espace où peut évoluer ce rire de résistance. Est-ce que vous avez, vous, l'impression en ce moment que les humoristes qui vont loin, c'est-à-dire qui vont, tout simplement, hein, qui passent les frontières de la transgression, est-ce qu'ils sont menacés aujourd'hui? Non. Bien. Je pense qu'il n'y a pas de censure. Je vois pas de censure, non. Je pense même qu'ils sont parfois récupérés. C'est-à-dire? Bah, je pense que le fait d'admettre un certain nombre d'humoristes en disant, bah, voyez, nous, on dit rien là-dessus, ça cautionne des mouvements ou des partis qui ne sont pas très, très, comment dirais-je, très libertaires. Oui. Libertaire, je vous fais deux fois, vous employez. Oui, libertaire, parce que l'autre jour, Onfray avait dit, ton théâtre est la dernière petite république libertaire. Oh, bah, dites donc, ça, c'est un vrai compliment. Oui, c'est un compliment. Mais pris comme ça, quand même. Oui. Enfin, faut pas le prendre autrement. Bah, je le prends comme humain, puis tout d'un coup, je trouve que, Onfray est un grand philosophe quand il dit des choses comme ça. Ah, bah oui, forcément. Bien, on va parler un peu d'humour dans les années 50, puisque tel était notre récit. La France avait besoin de rire dans les années 50. Bon, voilà. C'était quoi l'humour pour vous des années 50? Et le besoin de rire, il s'accroche à quoi dans les années 50? Bah, il y a deux mouvements très, très intéressants sur cette histoire. Je dirais que c'est les humours d'après-guerre. Mmh. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu une espèce de déclatement qu'on a de besoin de folie, de liberté, qu'on a appelé d'ailleurs les années folles, où tout d'un coup, c'était à la fois des gens artistiquement, tout ce qui s'est passé à Montparnasse, tout, les bals nègres, Joséphine Baker, les nus, enfin tout ça. Il y a eu quelque chose comme ça qui était plus dans une espèce d'éclatement, de besoin de liberté, de folie. Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé dans un besoin absolument comme si on voulait effacer. Et on voulait effacer absolument, je pense, les camps de concentration, l'horreur de ce qui s'était passé. Il y avait un besoin de tout d'un coup ne plus en parler, ce qui se produira heureusement quelques années après avec un devoir de mémoire absolument indispensable. Mais et là, tout d'un coup, sont arrivés des gens qui voulaient faire rire. Et ça a explosé, alors... D'un côté, il y avait Boris Vian, les cabarets de nuit, Saint-Germain-des-Prés, tout ça. Mais il y avait, tout d'un coup, arrive Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Pierre Richard, tous ces gens comme Francis Blanche, comme qui tout d'un coup, bien sûr, Serrault et Poiret, même des gens totalement inventifs comme les frères Jacques, comme Bobby Lapointe. Tout ça, comme Michel Doré, comme aussi Noiret, qui faisait du cabaret. Il y a eu quelque chose qui a été de dire, on rit. On rit, on se moque, on rit. L'insouciance est légitime. Après ce qu'on a vécu, on peut arriver dans une insouciance légitime. C'est un pansement indispensable. C'est-à-dire que c'est une capacité de pouvoir re-respirer, quitte après, une fois qu'on est on a retrouvé la forme, qu'on a retrouvé un peu de tranquillité et d'envie de vivre, de joie de vivre, on peut se retourner à ce moment-là, avec cette force-là, sur l'horreur et la raconter. Bien, alors pendant cette période de cicatrisation, oui. Fernand Reynaud, bien sûr, l'une des grandes figures. Alors, vrai que quand on écoute Fernand Reynaud aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que c'est daté? On ne devrait jamais se dire des choses comme ça, d'ailleurs. Mais enfin, on va écouter Fernand Reynaud dans une interview sur Radio Paris, dans laquelle il explique son rapport au cabaret. On fait passer un artiste sur une scène, sur un plateau. Si on met le public à 30 mètres, eh bien, c'est très difficile pour les faire rire. Mais si on met le public très près, on est obligé de les faire rire. C'est pour ça que chez les chansonniers, ils font des triomphes. Tous les chansonniers dans les petites boîtes. Parce que le public est très près, c'est tout petit, c'est serré. Alors, voilà. Bonjour, madame, téléphonie, c'est pour téléphoner. Ah, ça y est, hein, bon. Mais s'ils sont loin, comme dans les halls de gare, là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, en somme, vous préférez de beaucoup le cabaret au vaste music-hall. Mais moi, j'aime tellement le cabaret que je retourne au cabaret, voyez-vous. C'est comment dirais-je, c'est sympathique, c'est intime. Intime, oui, Fernand Reynaud aborde là la géographie de la scène. En fait, la géographie du rapport entre public et scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le public est mort tout près de lui, dans les cabarets. Ça compte énormément. Non. Bien. Je dis non parce que aujourd'hui, je pense que je l'ai rencontré à la fin de sa vie, avant qu'il se meure, et c'était quelqu'un de très susceptible. Je me souviens que quand il faisait les émissions de télévision et quand la caméra allait ailleurs trois fois de lui, qu'il voyait en panda, il partait. C'est-à-dire qu'il avait un besoin absolument de reconnaissance de tout. Et peut-être il a eu quelques désagréments avec des publics trop important ou trop lointain. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vois des gens comme Cobert, pour ne pas le citer, ou Muriel Robin, qui jouent devant des stades presque... Eh bien non, ça passe. Ça passe parce que je crois qu'il y a quelque chose, il y a un don de soi qui n'est pas justement réservé à une espèce de proximité, qui d'ailleurs, la proximité peut être tout à fait contraire à l'expansion du fou rire, parce que tout d'un coup, l'artiste, l'humoriste, se met tout d'un coup à jouer tout petit pour avoir une conversation avec les personnes, et je crois que ça gêne au génie de son art. Ça veut dire que vous croyez, vous, au contrat, le contrat théâtral, comme ça, avec une scène et un public. Et il y a cette distance-là qui est constituante du théâtre, en fait. Oui, je veux dire que c'est vraiment, pardon d'être un tout petit peu pompeux, c'est l'histoire de la catharsis grecque. Hein? On passe de l'un à l'autre et le public se reconnaît dans l'artiste. L'artiste lui soulage ses angoisses en le faisant rire. Mais c'est pas parce qu'il est à un mètre ou à 50 mètres que ça change quelque chose. Entre 1950 et 1968, on voit s'opérer une... Je dis 68 parce qu'évidemment, le printemps, mai 68... Donc il y a une transition de style à l'intérieur de la scène humoristique. On passe des chansonniers, alors Caveau de la République, hein, par exemple, ça a bien marché avec les calembours qui nous paraissent aujourd'hui un peu lourds, mais qui ont beaucoup, beaucoup fait rire à cette époque-là. Donc on passe des chansonniers au spectacle parlé. Est-ce que c'est le début du one-man show, le fameux one-man show, qui est devenu une figure de style presque envahissante aujourd'hui? Je dirais que pour l'humour. Il me semble que depuis l'assiette au beurre, à la fin des années du 19e siècle, il y a eu un arrêt de l'attaque frontale, de la politique, etc. Et c'est reparti à partir des périodes dont vous parlez, c'est-à-dire à partir de ce moment où on a commencé à faire les chansonniers. Et les chansonniers, c'était quand même des gens qui attaquaient à la réalité d'aujourd'hui, à l'actualité d'aujourd'hui, avec un côté extrêmement périssable. Car si aujourd'hui, par exemple les nuls qui avaient beaucoup de talent, quand ils se moquaient d'Edith Cresson, les cassettes aujourd'hui, on peut plus dire que plus personne sait qui est Edith Cresson. Donc c'est un côté éphémère, le chansonnier. Mmh. C'est une consommation de l'actualité tout de suite, qui venge un peu et qui fait rire un peu les gens qui sont un peu agacés et étouffés par les lois ou le gouvernement. Et ils retrouvent là quelque chose qui consomme comme une pilule qui leur enlève les douleurs de la politique. Donc, c'est pas universel, quoi. C'est-à-dire que ça passe. Non. Forcément, ça passe. Non. C'est du manger chaud. Bon. Alors, dans le genre manger chaud, il y a la télé qui arrive. Oui. Qu'est-ce que ça a changé, la télé? Dans l'histoire de l'humour. Alors, je pense que ça a changé deux choses. Je pense que la télévision, comme tout grand média, dépend, et même, quand je pense grand média, je peux même dire pays. C'est-à-dire la culture en France, si le président ne la pousse pas, il n'y en aura pas. Et ben, si le président de la télévision préfère jouer au golf ou faire du sport ou montrer des défilés de mode, c'est là que ça ira. Donc je crois qu'il y avait une impulsion. Et il y a eu quand même, des choses un tout petit peu, pour pas dire populistes et sans intérêt, mais il y a eu des choses assez intéressantes. La boîte à sel, Averti. Jean-Christophe Averti. Oui, Jean-Christophe Averti. Les raisins verts. Là, il y a eu quand même tout d'un coup l'arrivée à la télévision de quelque chose qu'elle ne portait pas tout à fait dans sa mission, c'est-à-dire l'insolence. Une insolence dans un univers de RTF qui était certes plus libre qu'aujourd'hui, mais il n'y avait pas quand même ces culots-là. Et il est arrivé quand les raisins verts, ou même quand il a fait Uberoy, c'était tout à fait remarquable. Après, ça a un peu pataugé dans ce qu'on appellerait une télévision un peu comme ça molle ou un peu pour un public de consommation courante. Et puis moi, je peux pas me plaindre parce que c'est vrai que et merci Bernard, on est rentré par infraction dans la télévision. Oui. Ça fait un scandale absolu. Mais comme tout d'un coup le public est arrivé à flot, on nous a pas viré tout de suite. Et puis après Palace, c'est vrai que tout d'un coup, on a eu des couloirs de liberté que je ne suis pas sûr qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Ah, ça c'est la fameuse question. Aujourd'hui, on ne peut plus rire comme vous verriez avant. Non. Je pense que c'est pas ça. Vous avez peut-être raison. Comment ? On a peut-être raison de dire qu'aujourd'hui, on a moins de liberté pour rire qu'avant. Malheureusement, on a peut-être raison. Oui, mais ce que je veux dire simplement, c'est que je crois qu'il y a quelque chose qui est une analyse des responsables de la télévision qui est fausse. Je pense que ils pensent que les gens ne comprennent pas ou les gens vont être vexés, etc. Et ils font de la télé-réalité, ils font, je sais pas quoi, des grands cabarets et autres de grande consommation. Moi, je crois au contraire que les gens sont absolument devenus adultes, sont beaucoup plus, concernés par un humour qui brise le verre et qu'ils ont une appétit de ça. Je ne suis pas un sondage, vraiment pas, mais le théâtre du Rond-Point, quand j'ai dit il faut faire que des histoires, que des auteurs vivants et des gens dans le rire de l'essence, tout le monde m'a dit personne ne viendra, ça n'existe pas, on est devenu le troisième théâtre de France. Non, je veux dire que je crois qu'il faut savoir qu'il faut proposer aux gens des choses qui les excitent, qui les élèvent et qui les mettre dans une position où tout d'un coup ils se sentent rassurés parce que la télévision publique est quelque chose de totalement libre. Alors on va écouter un petit aperçu de ce qu'on pouvait entendre, l'humour en 2003. Je ne sais pas si vous vous souvenez des manifs de droite, c'est un concept humoristique proposé par un collectif qui cherchait à moquer la société conservatrice. On va écouter un extrait. C'est sympa comme humour. C'est plus sympa, c'est très drôle, c'est formidable. Il faudrait que ça réexiste maintenant. C'est-à-dire, c'est prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire, c'est passer au second degré. C'est-à-dire que c'est ça. Vous savez, Rabelais appelait les gens ses ennemis, c'est-à-dire les gens qui ne savaient pas rire, qui n'entendaient pas le second degré, les agélas. Gélas, ça voulait rire. C'est un privatif dont les gens qui peuvent parler, ça paraît qu'ils sont coincés. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui de briser ce carcan dont les gens étouffent. Et ça, c'est vraiment je sais pas, Jésus avec nous et de ça, c'est formidable. C'est d'une insolence incroyable et c'est beaucoup plus fort que le slogan au premier degré. Bien, Jean-Michel Ribes, merci infiniment. Je rappelle ces livres, Le Rire de Résistance. Je rappelle aussi qu'au Rond-Point, il y a une librairie, hein. C'est pas qu'un, ah oui, il y a une grande librairie. Théâtre, il y a une librairie aussi. Une grande librairie, voilà. Un grand restaurant. On peut même faire du patin à roulettes dans le hall si vous voulez. Voilà, donc Le Rire de Résistance, vous pouvez le trouver là-bas. De Diogène. Ah, oh, ce fameux Diogène et son tonneau. On l'aime bien, Diogène. Hein, c'est un, bah oui, c'est une matrice. Première hein. Insolence. Bah, ouais. Il a quand même Obama ou je sais pas qui devant lui. Il lui dit pousse-toi de mon soleil. C'est quand même pas mal. Et c'est génial. Jusqu'à Charlie Hebdo. Évidemment. Merci, Jean-Michel Ribes. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'humour des années 50 et 60, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui.